la conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quels sont les moteurs de la recherche ? J'ai bien dit les moteurs de la recherche et non pas les moteurs de recherche. Car un cliché tenace veut que les chercheurs soient des êtres contemplatifs, rêveurs, en marge, déconnectés du réel véritable et gravement dépourvus de sens pratique. On imagine qu'ils discernent dans la matière toutes sortes d'objets invisibles, mais peinent à reconnaître leurs voisines de palier. Que ce sont des êtres improbables, ayant volontiers la tête ailleurs, à l'instar de Louis XVI au sortir de la guillotine, et qu'ils sont incapables de se préoccuper de choses bassement matérielles. Il faut bien dire que cette façon de les considérer n'est pas sans justification. On ne peut guère devenir chercheur si l'on est parfaitement à l'aise dans le monde empirique, bien intégré dans la vie sociale, tout immergé dans les préoccupations du quotidien, vissé à l'actualité, présent à tout ce qui se passe. À l'issue d'un pas de côté ou d'un geste de recul, celui ou celle qui cherche doit laisser s'instaurer en son esprit un jeu de correspondance entre le visible et l'invisible, entre les faits et les concepts, entre les choses et les idées. Mais cette émancipation par rapport à la concrétude du monde peut-elle être permanente ? Aussi élevées que soient les abstractions auxquelles l'esprit est parvenu, n'arrive-t-il pas nécessairement un moment où le corps exige de rejoindre la vallée de l'empirie la plus prosaïque, ne serait-ce que pour s'y faire cuire un œuf ? Quel genre de personnes sont donc vraiment les chercheurs ? Que font-ils ? Comment leurs boussoles intérieures fonctionnent-elles ? Ont-ils des tempéraments particuliers ? Qu'est-ce qui les pousse à chercher ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Catherine Bréchignac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne, spécialiste des nanosciences. Vous êtes secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Oui. Vous avez été directrice générale, puis présidente du CNRS, autrement dit, des chercheurs, vous en avez croisé. Et vous en croisez toujours, et vous en connaissez beaucoup. Et vous venez de publier. J'en suis une moi-même. Et vous en êtes une vous-même, et vous venez de publier un livre intitulé L'irrésistible envie de savoir, dans lequel vous racontez des histoires de chercheurs. Oui. Des portraits aussi de chercheurs. Et j'avais une première question à propos de ce terme étrange, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Je sais que l'Académie n'examine plus les rapports qui lui sont envoyés et qui voudraient démontrer la possibilité du mouvement perpétuel. Or, vous êtes une secrétaire perpétuelle, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? En fait, c'est un mot ancien, ringard, à notre époque. Secrétaire voulait dire, à l'époque de Louis XIV, lorsque ce terme a été créé, enfin même avant, pour l'Académie française, ce terme a été créé et donc secrétaire veut dire qu'il garde le secret. Taire les secrets. C'était quelqu'un qui était très influent, très important, parce qu'il connaissait les secrets. À l'époque, la puissance se mesurait aux secrets que vous pouvez garder. Aujourd'hui, il n'y a plus de secrets, pratiquement tout est partout, donc c'est comme se cacher dans la foule, alors qu'à l'époque, c'était vraiment se terrer dans le secret. Et puis perpétuel, parce que c'était quelqu'un qui était là à vie. Et ce terme-là n'a donc plus de sens. Je donne suite. Alors le terme secrétaire a dérivé. Il a dérivé vers le secrétaire. Et puis perpétuel, on sait très bien que ça n'existe pas. Donc c'est un mot qui n'a pas de sens, mais qui est ancien. C'est un vocable ancien, donc je le conserve. Et je le conserve et je ne veux pas qu'il se soit traduit. Parce que si vous traduisez secrétaire perpétuel en anglais, par exemple, ça vous fait permanent secretary qui n'a aucun sens. Donc, voilà. C'est plutôt une fonction de présidente. Oui, c'est une fonction de responsable. Parce que à l'Académie des sciences, comme dans toutes les académies, c'est collégial. La constitution d'une académie est collégiale. Donc, les décisions ultimes se prennent en vote avec tous les académiciens. Donc, le secrétaire perpétuel, c'est quelqu'un qui est responsable des décisions de l'académie. Alors, l'Académie des sciences est un endroit prestigieux, mais pas très bien connu. Qu'est-ce qu'on y fait exactement ? Quelles sont les méthodes de travail ? Qu'est-ce qui vous est demandé ? Quels sont les sujets à propos desquels vous Vous pratiquez l'autosaisine ? Oui, alors l'Académie des sciences, en fait, autrefois, au temps de sa création, elle était un endroit où on faisait de la science. Et puis la science a beaucoup évolué, la recherche en fait, c'est pas la science a beaucoup évolué, mais la recherche a beaucoup évolué aussi. Et maintenant la recherche ne se fait plus du tout à l'Académie des sciences, elle se fait dans les laboratoires. Et après d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale, on a créé des institutions comme le CNRS qui ont justement la possibilité d'avoir des laboratoires pour faire de la recherche. Donc l'Académie des sciences n'est plus du tout, ne sert plus du tout à faire de la science, contrairement à certaines académies dans le monde, comme l'académie en Russie ou en Chine. Mais cette académie, donc maintenant, on la redéfinit sur ses missions. Alors, elle avait déjà des missions qui datent de Louis XIV, mais puisque Louis XIV nous disait d'entrer en commerce avec les académies étrangères, ce qui voulait dire qu'il fallait absolument qu'on travaille de manière internationale, ce qui se fait toujours. Bien sûr, évidemment, le scientifique est quelqu'un qui n'a pas vraiment de frontières. Deuxièmement, nous avons une mission d'enseignement, c'est-à-dire de promouvoir l'enseignement, de réfléchir à l'enseignement. Et là, en ce moment, le ministre de l'enseignement, Jean-Michel Blanquer, nous demande notre avis sur la réforme du bac. Et donc, nous sommes en contact permanent avec lui. Et sur les programmes aussi. Et sur les programmes. Et sur les programmes. Et bien sûr, concernant la science, nous ne donnons pas d'avis sur ce que nous ne savons pas faire. Une autre mission, c'est celle de la communication. C'est-à-dire en fait de faire passer les messages scientifiques. Alors ça, c'est une mission beaucoup plus récente, de passer les messages scientifiques vers la société, au fond d'être un pont entre le politique et la société, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis de donner des avis. Alors ça, c'est une mission très ancienne puisque elle date de Louis XIV aussi. Donner des avis à ceux qui nous gouvernent. Et est-ce que... Alors dans les avis à ceux qui nous gouvernent, on a des demandes. Bien sûr, qui viennent du gouvernement, mais on a aussi des autosaisines. Vous pouvez donner un exemple de demande et d'autosaisine ? Alors, on a eu des demandes, par exemple, sur les OGM. On a expliqué ce que nous pensions. Ça n'a pas du tout été suivi, mais c'est normal. Le gouvernement décide après avis. Nous donnons un avis scientifique. Et après, le gouvernement prend un avis en tenant compte de tous les paramètres, y compris les valeurs du pays. Et puis là, nous sommes en train de faire une autosaisine sur, et ça commence sur, au fond, qu'est-ce que la recherche de demain ? La recherche hors les murs des laboratoires. Parce que aujourd'hui, avec tout le numérique, on commence à faire de la recherche en dehors des laboratoires. C'est beaucoup le système mondial est devenu beaucoup plus un système en réseau qu'un système compact comme autrefois. C'est-à-dire que la recherche va s'appuyer sur des données disponibles. Voilà. Alors on pense à la recherche participative, c'est-à-dire des données d'observation. Alors ça, c'est une recherche qui date depuis très longtemps puisque les astronomes amateurs ont toujours existé, mais aussi maintenant une recherche participative sur des questions environnementales. Donc, pour examiner la façon dont la biodiversité évolue. Par exemple, pour regarder les méduses, comment se déplacent les méduses avec des plaisanciers qui voient des méduses et qui cliquent sur leur téléphone pour dire tiens, voilà, là je l'ai vu, etc. C'est des données qui sont extraordinairement utiles. Ça, c'est une première recherche hors les murs. Une autre recherche hors les murs qui se fait et auquel il faut beaucoup réfléchir, c'est la recherche qui est demandée, qui est au fond utilisé par des grands groupes informatiques qui essayent d'utiliser toute l'intelligence du monde en faisant des concours pour avoir des logiciels. Et donc ces concours pour avoir des logiciels, ils sont envoyés un peu partout et récompensés. Mais qui est-ce qui a payé la formation du chercheur ou de l'ingénieur qui a répondu à cette question et même qui a gagné le concours ? C'est bien sûr, ce n'est pas celui qu'il demande. Donc là, il y a toute une réflexion à voir. Que fait-on ? Comment réfléchir à ce sujet ? Sur ce sujet, ça c'est important. Et puis, alors, le troisième volet, donc ça c'est des points. Et le troisième point qui nous semble extraordinairement délicat, c'est ce qui vient effectivement beaucoup des États-Unis, qui s'appelle do it yourself, qui est de la recherche, je dirais, dans les garages ou on l'appelle garage, mais ça peut être n'importe où, sur les nouvelles technologies en biologie. et qui permettent effectivement de jouer avec avec le matériel du vivant. Et ça, c'est ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. Les deux autres ne m'inquiètent pas, au contraire. Après tout, on va travailler, on va trouver des solutions. Mais le troisième m'inquiète parce qu'il va falloir quand même un peu faire attention à où va-t-on. Sachant que lorsque l'on fait de la matière inerte, ma foi, on peut faire des matériaux qui sont pas extraordinaires, avec des propriétés, je dirais, utiles ou inutiles ou tout ce qu'on veut. Mais bon, alors on peut réfléchir à tout ce qu'on a fait sur les plastiques, etc. Le bon côté, le mauvais côté des plastiques, enfin bref. Mais une fois qu'on a fait des plastiques, au bout d'un moment, on finira bien par, si on n'en veut plus, ne plus les utiliser. Alors que lorsqu'on fait du vivant, et surtout si on touche aux cellules germinales, à ce moment-là, on peut partir dans la création de vivants qui... Alors Catherine Préchilac, vous avez dit que l'Académie émet des avis scientifiques. Oui. Qui ne sont pas toujours suivis par le pouvoir politique. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une tension plus grande aujourd'hui dans les rapports entre la science et la société, que les valeurs de la société sont différentes de celles des chercheurs ? Je pense, d'ailleurs vous l'aviez écrit dans un de vos livres, et j'avais bien aimé la différence entre les valeurs et les faits. Et donc, je trouve que c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en fait, les valeurs sociétales ne sont pas les vérités nécessairement scientifiques. La société a des composantes. Il faut qu'elle s'approprie la technologie pour pouvoir l'utiliser. En fait, la société, quand elle a envie de s'approprier de la technologie, il faut qu'elle se l'approprie. Sinon, la technologie ne passera pas. En fait, on a bien sûr la recherche pour la connaissance. Mais ça, tout le monde s'en fiche. La société s'en fiche un peu, la recherche sur la connaissance, le boson de Higgs, les ondes gravitationnelles. Vous êtes sûr ? Oui, ça les amuse, ils voient ça un peu comme de la science-fiction, c'est joli, c'est intéressant, mais je suis pas sûr. C'est les sujets qui nous valent le plus de courriers. Oui, bien sûr, ça vous fait du courrier, parce que ça surprend, mais c'est un peu comme dans des romans. Tandis que ce qui les intéresse, au fond d'eux-mêmes, c'est leur santé, c'est leur environnement, c'est les questions qui sont pratiques pour eux-mêmes. Ça, ils sont très sensibles à ça. Bien sûr, ça les fait rêver. L'autre, la recherche pour la connaissance fait rêver. Et donc, après tout, c'est un univers autre. Pourtant, ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité. Mais ça les fait rêver, ça fait rêver la société. L'autre recherche, celle qui nous est demandée par la société, celle pour laquelle on dit, oui, on aimerait bien soigner telle maladie, progresser dans nos conditions de vie, et des choses comme ça. Ça, ce sont des points qui, au fond, parfois font peur, parce qu'on se dit, si on va trop loin... Que va être la société ? Comment, quand la technologie devient, envahissante. Je dirais, oui, plus qu'envahissante, même le moteur de la société, alors la société a peur et ses valeurs... Alors justement, je vous ai présenté tout à l'heure en disant que vous étiez spécialiste des nanosciences, oui. Donc c'est une sorte de physique et de chimie qui se oui. place à l'échelle des molécules, ou des molécules pas trop grosses d'ailleurs. Il y a eu un débat en 2010. Oui, sur un gros débat. Qui s'est pas très bien passé. Qui s'est mal passé. Comment est-ce que vous l'avez vécu en tant que chercheur ? J'ai vécu en tant que chercheur l'aventure du mot nano. C'est-à-dire qu'en fait, avant, je travaillais sur des petites particules que maintenant on appelle des nanoparticules, parce que j'essayais de comprendre... Enfin, qui sont énormes par rapport aux particules élémentaires. Ah, bien évidemment. Non, je ne vais pas parler des particules élémentaires. Là, je parle des atomes. Parce que nanoparticules, on pourrait penser que c'est un préfixe qui veut dire un milliardième de fois plus petite qu'une particule. Alors, ce n'est pas du tout ça. Ou non. Nano, ça vient de nanomètre. Voilà. Et de nanomètre, donc on est dans le domaine du nanomètre. Voilà. Bon. Dans ce domaine-là, c'est-à-dire le nanomètre, c'est 10 fois le rayon d'un atome. Voilà, donc on a l'atome qui constitue la chimie. Alors en dessous de l'atome, c'est pas vous que je vais expliquer, qu'il y a le noyau qui est très petit à l'intérieur de cet atome et qui se trouve, et dont le nuage électronique se trouve à 10 000 fois le rayon du noyau. Bon, donc nous on est déjà en dehors de ce nuage électronique, on travaille sur les atomes et pas sur les noyaux. Donc les atomes se mettent les uns à côté des autres et forment la matière que l'on voit, la matière macroscopique. Mais pour former un gramme de matière macroscopique, il faut en gros le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 6 0 2 10 puissance 23, c'est-à-dire vous avez un 10 avec un 1 avec 23 zéros derrière pour vous donner ce nombre. Donc ça c'est la quantité de matière. Donc moi je me suis intéressée à cette matière très mais à l'échelle très petite en mettant quelques atomes jusqu'à des milliers d'atomes. Et c'est ça, à l'époque on les appelait des agrégats, des clusters en anglais, enfin bref, et on travaillait sur leurs propriétés, comment ces propriétés changeaient entre l'atome et la matière condensée, comment à partir de quand on voyait arriver les propriétés collectives, à partir de quand on voyait des changements de couleur de ces matériaux, comment leurs propriétés variaient avec leur forme, etc. Et tout d'un coup, c'est venu des Japonais qui l'avaient gardé pour la technologie, mais personne ne l'utilisait. Puis les Américains qui se sont dit, mais ça, ce sont des nanos. Et alors, le mot nano a pris, s'est répandu sur la Terre entière. Et j'ai eu l'impression à ce moment-là... Vous faisiez des nanos sans savoir. Oui, mais ça m'était égal. Mais parce que moi, je comprenais ce que je faisais. Mais j'ai eu l'impression d'être englouti par un mot... Pas seulement un mot, il y avait une sorte de projet de civilisation oui, associé. Oui, bien sûr, avec derrière, c'est un mot toutes en plus polysémique, et puis ensuite on a eu de la science-fiction qui s'est mis là-dessus. Et d'ailleurs, dans mon livre, L'irrésistible envie de savoir, je raconte le mythe et le nano, c'est-à-dire comment justement de quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on ne peut voir qu'à travers ses propriétés, à travers ses propriétés, comment justement on est arrivé à imaginer des choses qui parfois étaient justes et s'avérait juste, comme les nanomédicaments que l'on est capable maintenant de fabriquer et qui vont là où il faut qu'ils agissent. Mmh. Et puis, des histoires complètement abracadabrantes, bien qui dépassent complètement toute la science-fiction. Et mais vous êtes vous-même intervenu dans le débat ou vous avez... Alors oui, bien sûr, je suis intervenu. Parce qu'il a été interrompu par des opposants. Je suis intervenu dans le débat, mais au bout d'un moment, on a arrêté la discussion parce que on était devant des ayatollahs de l'inculture, donc que voulez-vous faire? Bon, nous on va pas arrêter la discussion, on va la reprendre après, mais là on va écouter le morceau de musique, le premier que vous avez choisi, Catherine Perrichignac. Je crois que c'est un morceau d'Emmanuel Chabrier. Thank you. Catherine Bréchignac, vous avez choisi cette belle pièce d'Emmanuel Chabrier. De quoi s'agit-il ? J'imagine que votre choix n'est pas sans raison. Non, ce choix n'est pas sans raison. Tout d'abord, j'aime énormément la musique et j'en écoute beaucoup. Alors cette pièce d'Emmanuel Chabrier, c'est une des pièces pittoresques, elle s'appelle Idylle. Elle a été composée, je crois, en 1881. Et au fond, elle présente une rupture dans la musique. Alors, je dis très souvent que la science est la seule construction humaine qui progresse, que l'art ne progresse pas, puisque des peintures rupestres sont aussi belles que des tableaux contemporains. Et quand on regarde la musique, on a à peu près cette même impression. On peut aimer tout autant la musique baroque que de la musique contemporaine. Donc, ça ne progresse pas, mais elle est en phase avec la période. Elle évolue. Elle est en phase avec la période avec laquelle les compositeurs la sentent. Et même, il y a une intuition de ce qui va se passer. Et là, dans Emmanuel Chabrier, cette pièce est légère, elle est magnifique, elle est un peu à l'époque où, justement, des impressionnistes, et elle est une rupture par rapport à ce qui se passait avant, et elle est une rupture par rapport à ce qu'on aura ensuite. Et c'est un peu pour cette raison-là de remise en question, en fait, sans cesse. Comme il y en a dans la science. Comme il y en a dans la science, oui. Et alors, en fait, dans la science, on va avoir une rupture qui va arriver au début du XXe siècle, qui va être énorme avec la découverte de la mécanique quantique et la relativité. Alors, avant de passer ce morceau, vous avez formulé une expression un peu dure, les ayatollahs de l'inculture. Ça veut dire que la science devrait faire partie de la culture générale ? Ah, absolument. La science doit faire partie de la culture, d'ailleurs. Il est impératif, mais d'où vient cet impératif ? Et c'est impératif parce que... Alors, ça ne veut pas dire avoir de la culture, ça veut dire apprendre un certain nombre de choses, maximum, bien sûr, mais surtout apprendre un certain nombre de choses pour devenir modeste et se reposer la question de... qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas, et de se reposer la question. Donc l'esprit critique doit surtout s'appliquer à ce qu'on croit. Exactement, à ce que l'on a appris. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas remettre tout en question, parce que tous ceux qui nous ont précédés ont déjà digéré un certain nombre de faits et ont compris et nous permettent d'aller plus loin. C'est comme on se trouve, je sais, sur les épaules des géants. Ça, c'est la phrase qui est partout et que Newton avait reprise. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas être dogmatique. Et la culture, c'est celui qui n'est pas dogmatique, qui apprend, qui est ouvert, qui, parce qu'il sait déjà des choses, a envie d'en savoir d'autres, et au fond, se remet en question sur des idées qu'il pourrait avoir de manière idéologique. C'est au fond, la culture, c'est l'inverse de l'idéologie. Et ça, c'est extrêmement important, et je crois que la science joue son rôle dans cette culture générale. Et donc, quel que soit son métier, il faut qu'on ait une base de culture générale qui soit à la fois scientifique, littéraire, musicale. Est-ce qu'il faut mettre la science en culture, comme on le dit souvent, ou est-ce qu'il faut mettre de la culture dans la science ? Un peu comme vous le faites dans votre livre, d'ailleurs. Vous racontez des histoires, vous racontez des contextes. Oui, parce que... Alors, on ne sera... Je dirais, jusqu'au XVIIIe siècle, on pouvait être un humaniste, c'est-à-dire savoir à la fois de toute la science qui existait. Bon, c'est impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc après, on fait des choix. On fait des choix personnels, avec ses goûts, avec ses aspirations. Et c'est l'ensemble qui constitue le tout. C'est l'ensemble des hommes et des femmes, bien sûr, qui constituent le tout de ce que nous savons. Donc, c'est important de... Mais il ne suffit pas de connaître la science pour savoir ce qu'on doit faire d'elle. Vous le disiez vous-même tout à l'heure. Non, Einstein non. disait qu'il n'existe pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est, que donne la science, à la connaissance de ce qui doit être. Et donc, comment est-ce qu'on fait les choix technologiques dans une société qui peut connaître de la science, mais n'est pas forcément d'accord à l'intérieur d'elle-même sur les usages qu'on peut en faire. Alors ça, c'est une autre histoire, c'est une autre question. Je dirais que qui est différente de la culture. Au fond, la culture, c'est la base. C'est ce qu'on doit savoir pour pouvoir communiquer. Bon, vous ne pouvez pas communiquer si vous n'avez pas une langue. Une langue, nous parlons en français, mais vous pouvez avoir d'autres langues, bien évidemment. Mais donc, si vous n'avez pas une langue, c'est indispensable pour la pensée. Vous pensez dans une langue. Donc, c'est pareil pour la culture. Vous devez avoir une base de culture pour pouvoir progresser. Sinon, c'est pas possible. Une fois qu'on a fait ça, alors ensuite, bien sûr, il y a différentes progressions dans la science. Prenons la partie scientifique, puisque c'est celle dont on parle aujourd'hui. Et donc, celle-là ne fait que croître. L'ensemble des connaissances scientifiques ne fait que croître. Alors ensuite, se pose la question, que faisons-nous de cette connaissance? Comment l'utilisons-nous? Et comment l'utilisons-nous pour bien vivre ensemble? Et ça, c'est toute la question de l'éthique, parce que l'éthique, ça veut dire mieux vivre ensemble. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, je reviens à votre livre, Catherine Bréchina, qui s'intitule « L'irrésistible envie de savoir ». Ça raconte, non pas l'histoire de toute la science, mais des histoires de science, on peut le dire comme ça? Je dirais, ça raconte l'histoire de la pensée scientifique. Comment se construit la pensée scientifique? Comment se construit la science? Alors, je l'ai faite à travers certaines histoires, bien évidemment, puisque j'ai pas pu parler de tout. J'ai choisi certains chemins, mais ces chemins sont analogues dans, je dirais, toutes les disciplines. Un des premiers chapitres s'intitule « À la recherche de ce que l'on ne voit pas ». Oui. Et très souvent, on raconte l'histoire de l'atome en disant ce sont quelques Grecs comme Démocrite ou Leucippe qui ont inventé le concept de l'atome. Et vous commencez par dire que la question de la divisibilité de la matière s'est posée dans d'autres civilisations. Bien sûr. Bien antérieurement, il y a un atomisme arabe, un atomisme indien, un atomisme Absolument. Chinois. Et donc, il y a quelque chose d'universel dans cette question? Est-ce que la matière peut être coupée à l'infini? Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a des questions comme ça qui sont intéressantes. Par exemple, l'histoire des premiers feux. L'homme qui commence à savoir fabriquer le feu. Avant, il y avait des feux, mais des feux naturels. Et l'homme après est arrivé Cette découverte s'est faite au même temps partout. Pas partout en même temps, parce qu'à l'époque, on peut le savoir. Oui, voilà, c'est ça. Quelques siècles n'a pas beaucoup d'importance. Mais on voit que à la fois en Bretagne, on a des premiers foyers, et en Chine aussi. Or, on savait très bien qu'à l'époque, les gens ne pouvaient pas communiquer entre la Chine et la Bretagne. C'est donc intéressant de voir comment l'évolution des hommes se fait qu'ils se posent des questions. Ils se sont posés les mêmes questions, qu'ils soient en Amérique latine, qu'on appelle maintenant Amérique latine, mais ou Amérique centrale, et Europe. Ils se sont posés les mêmes questions sur le ciel, les étoiles, la position, le mouvement des planètes, que je ne savais pas planète à l'époque, mais enfin bref. Donc, toutes ces questions-là, on a l'impression que ça fait partie de l'évolution humaine et que l'homme, quel que soit l'endroit où il se trouve, va se poser des questions analogues. Alors, vous racontez justement la naissance de l'atomisme en Inde. Oui. Et donc, le mot indien pour dire ce que nous, on appelle l'atome, c'est « anu ». Oui. En sanskrit. Oui. Et voilà ce que vous dites. « Cette particule indivisible, limite de la matière, ne peut être observée à l'œil nu. » L'auteur, dont le nom est Acharya Kanada, imagine qu'elle peut se combiner à une autre pour former une paire, et qu'en s'agrégeant successivement les unes aux autres, les particules créent l'univers visible. C'est exactement la thèse de Leucippe ou de Démocrite. Oui. Il était antérieur à Démocrite, et donc on ne sait pas si les Grecs ont eu vent, ont su ou pas, mais en tout cas, les deux se sont posés des questions analogues. Alors, comment vous comprenez le fait que, donc un peu partout à la surface du globe, des gens se posent la question, inventent le concept d'atome, objet insécable, compact? Eh bien, parce qu'il y a deux hypothèses, et il n'y en a pas d'autres. Ou la matière est continue, ou elle est discrète. Elle est discrète au sens mathématique du terme, c'est-à-dire elle est formée d'atomes. Donc, certains disent, voilà, il y a deux hypothèses, la matière est continue, elle ne fait que se transformer, ça c'était l'hypothèse d'Aristote, et l'autre, l'hypothèse qu'avait fait Canada, Démocrite, le Cipète, et puis ensuite après Lucrèce, etc., celle-là, elle est formée d'atomes, et il y a un morceau de matière qu'on ne peut plus casser. ou bien après on s'est rendu compte qu'on pouvait le casser et qu'en fait on met sans changer ses propriétés. Donc ça, c'est ces deux hypothèses, et vous n'en avez pas d'autres. Donc ces deux hypothèses ont existé, bien évidemment. Et donc il fallait ensuite voir quelle était la bonne hypothèse. On a mis 2500 ans avant, et peut-être même plus, si elle avait été... À découvrir l'atome. À découvrir que l'hypothèse de l'atome était la bonne. Sauf que l'atome c'est qu'on ça avait... qui est intéressant. Oui, sauf que l'atome qu'on a découvert n'a pas les propriétés que les Grecs imaginaient. Alors, évidemment, les Grecs imaginaient un atome, je dirais plein, au fond une petite boule de matière... Insécable, qui était la matière principale et avec laquelle on pouvait former et la matière. Et cet objet-là n'existe pas. Et cet objet-là n'existe pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on a découvert l'atome, lorsqu'on s'est rendu compte de cet atome qui était la plus petite partie d'un élément chimique, eh bien, on s'est rendu compte tout de suite qu'il était composé en fait d'un noyau et d'un nuage d'électrons. Donc, il démentait son appellation. Il n'est pas insécable. Pas complètement. Il est insécable au sens chimique du terme, si je puis dire. Ah, vous jouez avec les mots. Ah oui, d'accord. Alors, il y a beaucoup de personnages dans votre livre. J'ai l'impression que vous avez une passion particulière pour Émilie du Châtelet. Oui, j'ai une passion pour cette femme. Qui a traduit Newton en français, qui a été la compagne et même davantage de Voltaire, sans doute. Oui. Qu'est-ce qui vous marque dans cette trajectoire? Tout d'abord, je voulais montrer que l'intelligence d'une femme était évidemment égale à celle d'un homme. Et que Émilie a été éduquée, son père voulait l'éduquer comme ses fils, donc Émilie a été éduquée comme ses frères. Et donc a appris, justement, toute cette culture, elle a été complètement formée sur toute la ligne. Elle avait plus d'aptitude pour les sciences, et donc elle s'est dirigée vers les sciences. Elle s'est dirigée vers les sciences, poussée par Voltaire d'ailleurs, quand il a été son amant. Et ça a été un duo assez extraordinaire sur le plan de pour faire passer les idées de Newton en France, parce que à l'époque, Descartes n'avait pas du tout la même conception du monde que Newton. Descartes voulait montrer comment le monde s'était créé et donc était parti sur l'origine du monde, alors que Newton avait dit « Mais non, moi j'y comprends rien à cette origine, je ne sais pas ce que c'est, mais en fait je vais essayer de comprendre comment le monde tient debout et les forces gravitationnelles. » Donc, il y avait une opposition entre les Français et les Anglais à l'époque. Et Newton et Émilie ont tous les deux fait passer les messages de Newton en France. Émilie en tant que scientifique et Newton en tant que littéraire, philosophe. Et il a écrit un conte philosophique tout à fait remarquable qui s'appelle Micromégas et qui a permis aussi de faire passer à ses compatriotes... Encore une histoire d'échelle. Voilà, cette histoire de gravitation. Alors, il y a une controverse fameuse entre Émilie du Châtelet et un académicien des sciences. Oui. Qui s'appelait Jean-Jacques Dortou de Méran. Oui. Qui a gagné? C'est Émilie qui a gagné. C'est Émilie qui a gagné parce que, Méran voulait essayer de comprendre quand une masse en mouvement provoquait des dégâts. Ça, tout le monde le savait. Vous prenez une balle, vous la lancez contre un mur. Bon, voilà. Et si vous la lancez dans une motte de beurre, eh ben, le beurre se déforme complètement. Donc, une masse en mouvement produit un effet. Alors, Méran avait essayé de calculer cet effet, d'essayer d'anticiper qu'est-ce que c'était que cet effet. Et en fait, il avait dit que cette masse, qui était importante, c'était la masse multipliée par la vitesse. Et donc, l'effet était produit par la masse, c'était au fond sa quantité de mouvement et pas son énergie cinétique. Alors qu'Émilie, elle a montré que, avec des expériences, que c'était proportionnel au carré de la vitesse. Et donc, elle a dit, ben, puisque l'expérience montre que c'est proportionnel au carré de la vitesse, Mais on sait quel genre d'expérience elle a faite? Oui, alors c'était des expériences qui étaient faites aussi par d'autres, hein, c'était pas nécessairement elle qui la faisait, mais elle raconte dans son texte comment quand on multipliait la vitesse par deux, alors on savait à peu près évaluer les vitesses, qu'on lançait une masse avec cette vitesse-là, le choc faisait que vous aviez une mobilité de l'autre qui était proportionnelle au carré de la vitesse. Et ça, c'est elle qui l'a montré. Mais elle n'écrit pas d'équation, elle fait des phrases. Alors, elle n'écrit pas d'équation, elle fait des phrases. Alors ça, c'est compliqué parce que quand vous remontez dans son texte, pour essayer de l'expliquer simplement dans mon livre, il a fallu que je prenne son texte, je le passe en équation et je le remette dans mon livre. Si vous permettez, j'en lis un extrait. Si vous demandez à ceux qui la combattent quels seront, sur des obstacles égaux, les effets de deux corps égaux en masse, mais dont les vitesses sont 4 et 3, ils vous répondront que l'un fera un effet comme 16 et l'autre comme 9. Voilà. C'est compliqué, non? C'est simple et compliqué. C'est simple et compliqué à la fois. Une formule dit les choses de façon beaucoup plus simple. Voilà, beaucoup plus simple, ouais. Mais d'un autre côté, nous pensons dans notre langue. Donc la logique de notre langue est très importante pour faire de la science. Absolument. Mais Émilie, pour revenir à elle, n'a pas pu entrer à l'académie puisque les femmes n'entraient pas à l'académie. Non, à l'époque, les femmes n'entraient pas à l'académie. Quelle est la première femme qui est entrée à l'académie? Alors, on a eu un épisode fâcheux avec Marie Curie, puisque Marie Curie s'était présentée. À l'époque, on se présentait à l'Académie des sciences. Maintenant, on ne se présente plus. On est présenté par un de nos pères. Mais l'Académie des sciences, là, à l'époque, on se présentait. Donc, Marie Curie s'était présentée après son second prix Nobel. En 1911. Oui, et elle a été classée première dans la section de physique et elle s'est fait battre en comité secret, c'est-à-dire là où tous les académiciens votent, à une voix près, mais pas du tout pour une question scientifique, c'est parce qu'elle avait un amant. Mais en quoi ça regarde les académiciens? Ah ben à l'époque, ça devait regarder les académiciens parce que les valeurs d'une société ne sont pas les mêmes que... On peut dire le nom de l'amant, c'était Langevin, Paul Langevin, il était académicien lui-même. Absolument. Et c'était aussi un élève de son mari défunt. Donc Marie Curie n'a pas pu entrer. Donc Marie Curie n'est pas rentrée à l'Académie des sciences et elle ne s'est pas représentée. Elle a été battue à une voix près par Branly et elle ne s'est pas représentée. Donc voilà. Donc, mais je pense que si elle s'était représentée, elle serait passée. Et donc de fait, quelle est la première femme à être rentrée? La première femme à rentrer à l'Académie des sciences, c'est Yvonne Choquet-Bruyat. Spécialiste de relativité générale d'Einstein. Absolument. Et je crois qu'elle vit toujours et qu'elle a rencontré Einstein. Elle vit toujours, elle a rencontré Einstein, elle nous a fait un exposé tout à fait remarquable sur cette rencontre qu'elle a eue avec Einstein. À Princeton? À Princeton, oui. Quel souvenir en a-t-elle? Le souvenir d'un homme qui l'a écouté. C'est quand même extraordinaire quand vous pensez à cette femme qui... Elle a écrit un livre d'ailleurs là-dessus. C'est quand même extraordinaire de voir ça parce que ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, c'était quand même remarquable. Le moment est venu d'écouter le second morceau de musique que vous avez choisi, Catherine Brachignac. Je crois que c'est du Strauss. Oui. Come here, come here. Catherine Brechillac, c'est terrible, mais il va bien falloir parler après cette musique sublime. Oui, c'est très difficile. Hein. L'amplitude de voix est absolument extraordinaire. Et Richard Strauss est un compositeur que j'aime beaucoup aussi parce que c'est aussi un compositeur de transition, mais lui dans l'autre sens, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il a écrit, c'est l'un des quatre derniers Lieder qu'il a écrit avant sa mort. Il a écrit, composé en 1948 après la Deuxième Guerre mondiale sur un poème de Hermann Hesse. D'ailleurs, Hermann Hesse est un auteur que les responsables et les politiques devraient lire. Je leur conseille de lire Les Jeux de Père des Vers avant de prendre toute direction. Pourquoi ? Parce que ça vous apprend une certaine modestie et comment écouter les autres. Savoir écouter ceux qui sont à côté de vous, en fait. Et donc, je reprends sur Richard Strauss, ce poème symphonique et ce Lieder est tout à fait extraordinaire parce que c'est d'abord c'est le sommeil, c'est l'automne, c'est... Et après la guerre, on a l'impression d'avoir à nouveau un espace qui s'ouvre. Et cette voix qui... on sort de quelque chose de terrible et cette voix qui monte et qui reprend de l'élan et de l'espoir. Alors, votre livre permet de croiser un nombre considérable de personnages plus ou moins connus. Vous racontez leurs travaux, leur vie. Est-ce qu'il est nécessaire de connaître la vie d'un savant, d'un chercheur, pour comprendre son œuvre ? Et réciproquement, est-ce que pour comprendre l'œuvre, il faut connaître sa vie ? Alors, je pense qu'on ne connaît pas la vie profonde, au fond, les pensées intimes des gens. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait un peu le secret, c'est ce qui fait qu'on a envie d'essayer de comprendre, de voir à partir de ce que les gens nous disent, quels sont les indices, qu'est-ce qui se cache derrière le personnage qui est toujours un personnage joué par quand on est avec quelqu'un d'autre, on n'est pas toujours soi-même. Et donc c'est important de savoir bien sûr la vie des gens pour comprendre leur œuvre, mais on n'est pas obligé de tout savoir. Et d'ailleurs, il ne faut pas tout savoir. Mais souvent les vies sont accompagnées de légendes, vous parlez longuement d'Archimède, Eureka. Qui oui. symbolise l'idée scientifique. On s'en oui. doute, cet épisode n'a-t-il jamais eu lieu ? La baignoire, il n'en parle pas. Non, on raconte l'histoire de la baignoire, mais je crois qu'elle n'existe pas, cette histoire de baignoire. Mais Archimède, il a fait beaucoup de choses par ailleurs. Énormément. Et d'ailleurs, on a découvert récemment des choses qu'il avait faites qu'on ignorait. Oui, tout à fait par hasard. En fait, des textes d'Archimède, on n'en a pas. Mais on a des textes qui sont venus de gens qui ont écrit sur tout ce qu'il a fait. Et en particulier, parmi les textes extrêmement anciens que l'on a, on en a qui ont été pris, gribouillés, barrés, réécrits. Et puis, par-dessus, se sont trouvées des prières. Enfin, c'est ce qu'on appelle le palimpseste d'Archimède, qui a été vendu chez Christie's il y a pas très longtemps, et que alors on ne donne jamais la personne qui l'a acheté, mais le nom de la personne qui l'a acheté, mais en fait ce document a pu être vu par des scientifiques et qui l'ont étudié au rayon X, et ont revu un peu ce qu'il y avait derrière les différentes couches, et qui était, et c'était extrêmement intéressant de voir. Ils l'ont traité un peu comme un tableau d'ailleurs. Oui, exactement. Alors qu'est-ce qu'on a découvert de nouveau? Un peu de la pensée aussi d'Archimède. Archimède est quelqu'un qui a fait des choses tout à fait extraordinaires. Tout d'abord, il a inventé le raisonnement par l'absurde. Ça, c'est un raisonnement mathématique que je trouve intéressant, parce que vous faites une hypothèse et si le résultat est absurde, vous pouvez enlever... La conséquence de l'hypothèse, si elle est absurde, voilà. Ça veut dire que l'hypothèse est mauvaise. Voilà. Voilà. C'est... D'ailleurs, dans la vie, on devrait utiliser pas mal ce principe, ça pourrait être utile. L'autre point, Archimède a donc, je dirais, encadré pi, parce que on parle toujours de la quadrature du cercle, encadré pi par les polygones inscrits et circonscrits au cercle, et donc se rapprochant de plus en plus du cercle, et il a pu comme ça donner une valeur approximative de pi. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir déjà cette méthode de pensée d'encadrement d'une mesure. L'encadrement de la mesure, c'est-à-dire la mesure que l'on n'arrive pas à atteindre parce que... On l'approche par des procédés. Ça, c'est c'est assez remarquable comme pense, comme mode de pensée. Et comme mon livre est essentiellement sur l'évolution, comment on construit une pensée scientifique, j'ai trouvé que l'exemple d'Archimède était pertinent. Ouais, il fait, même si on sait peu de choses sur lui, il fait partie des savants très connus. Oui. Il y en a d'autres dans le, dans votre Alors livre. Évidemment, il y a tout corps plongé dans un liquide, oui. Subi de la part du liquide, etc. Mais donc on lui raconte l'histoire de la baignoire et on l'imagine dans sa baignoire. Mais c'est une image d'Épinal. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, il y a beaucoup de personnages qu'on croise, qu'on connaît bien, enfin, dont on connaît les noms, parce qu'ils ont laissé justement leur nom à des grandeurs, à des nombres, à des lois. Je pense à Avogadro et à beaucoup d'autres. Mais il y en a un dans votre livre que je connaissais pas, qui s'appelle Édouard Scott de Martinville. Oui, Édouard Léon Scott de Martinville. Drôle de personnage. Qui, très drôle de personnage. Alors, est-ce que vous pouvez raconter, parce que je pense que je ne suis pas le seul à ne pas le connaître, il fait l'objet d'un chapitre entier dans votre livre qui s'appelle Le phonautographe. Ou l'écriture anachronique du son. Oui, alors Édouard Léon Scott de Martinville est un personnage qui vivait du temps de Victor Hugo. Et j'ai voulu parler de lui parce que j'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo qu'il écrit dans un de ses textes sur la vie de William Shakespeare où il dit « La science va se raturant elle-même ». Et effectivement, la science est faite toujours d'essais et d'erreurs. On progresse petit à petit, on avance. Il ajoute même, la science a inventé le mouvement perpétuel, c'est elle-même. Si on veut, si on veut. Et il faut revenir au terme de perpétuel. Et donc, c'est intéressant de voir comment cette science progresse. Et là, Édouard Léon Scott de Martinville était un typographe. C'était aussi un sténographe, c'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait, pour pouvoir retracer un discours, le prendre en sténo parce que la parole va à peu près 6 fois plus vite que l'écriture. Donc, ça s'est connu depuis très longtemps, puisque les discours de Platon, paraît-il, on les a gardés grâce à des sténographes qui les prenaient en sténo. Donc, on avait ce Scott de Martinville qui avait quand même une idée, c'était de se dire, ces pauvres sténographes qui prennent des notes et ensuite qui transcrivent les discours, peut-être que si on pouvait transcrire le discours tout de suite en écrit, la parole, transformer la parole en écrit, ce serait formidable. Donc, il avait inventé un appareil qui est une conque, au bout de laquelle il y avait une membrane et vous parliez dans cet appareil. Et ensuite, au bout de la membrane, se trouvait un stylet qui écrivait sur un rouleau de papier avec du noir de fumée qui retraçait au fond le mouvement de cette membrane. Et il pensait qu'en lisant ce mouvement de cette membrane, on pourrait tout de suite transcrire ce que disait la parole. Alors ça, c'était un appareil un peu compliqué qu'il avait fabriqué, mais qui marchait. Mais en fait, le problème est fait qu'on n'a jamais réussi à relire correctement ses enregistrements. Il a été très déçu, et puis voilà, il a laissé tomber. Il les a laissés dans les archives de l'Académie des sciences, à d'autres endroits aussi. Puis, 20 ans plus tard, est arrivé Edison. Edison, le fameux Edison. Edison qui a enregistré le son. Mais lui, Edison, enregistrait le son pour le réécouter, non pas pour l'écrire. Ce qui était complètement contradictoire avec ce que faisait alors Scott de Martinville. Donc Scott de Martinville a essayé de réagir à ça. Il n'a pas réussi, il n'a pas pu rencontrer Edison, et puis il est mort un an plus tard. Nous avions conservé nos documents dans un carton à l'Académie des sciences, et puis au début du 21e siècle est arrivé des gens, des Américains, d'ailleurs des très grands médias américains, un homme de radio qui voulait voir ces documents parce qu'il écrivait sur les premiers sons. Et il est venu à l'Académie, un jour de pluie, il raconte ça très bien, et il a vu ces documents, il les a trouvés magnifiques, il a demandé à en prendre des photos, et il les a emmenés aux États-Unis dans un laboratoire en Californie qui s'intéressait justement aux enregistrements un peu dégradés et pour lesquels on prenait des tas de photos de ces enregistrements pour les numériser et ensuite les restituer au point de vue numérique. Et c'est comme ça qu'il a restitué ce qui était écrit sur cet enregistrement et qu'on entend la première voix au monde jamais enregistrée, qui est celle d'Édouard Léon Scott de Martinville, qui nous chante « Au clair de la lune ». Et c'est extraordinairement émouvant. Maintenant, vous pouvez le voir sur le net. Et on peut l'écouter sur le net. Oui, on peut l'écouter sur le net. Et c'est extrêmement émouvant d'entendre cette voix qui est, au fond, la plus ancienne voix humaine qu'on ait dans nos archives. Donc c'est 1871. C'est 1870. Oui, voilà, c'est ça. Et ça provoque quelle émotion? Parce que je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Il chante bien, il chante juste. Non, alors, en fait, ce qui était... Il y a un bruit de fond énorme, j'imagine. Il y a un bruit de fond, mais maintenant, on s'est évité le bruit de fond. Mais ce qui est étonnant dans ça, c'est qu'en fait, on n'avait pas su à quelle vitesse tournait l'enregistrement. Et alors, on avait demandé, certains, comme Lisa Jou, avaient demandé à Scott de Martinville d'enregistrer aussi des sons périodiques. Il avait enregistré un diapason. Et le diapason nous a permis de remettre le son à la bonne hauteur. J'ai une dernière question, Catherine Bréchinac. Vous qui avez étudié les vies et les travaux et fréquenté beaucoup de chercheurs, est-ce que les chercheurs, à part le fait d'être chercheurs, ont beaucoup de choses en commun? Autrement dit, est-ce qu'un chercheur, c'est monsieur tout le monde qui fait de la recherche? Ou est-ce qu'il y a des spécificités dans les caractères, dans les tempéraments, les obsessions? Oui, il y a des spécificités dans les chercheurs. Je pense qu'un chercheur, c'est tout d'abord quelqu'un qui est tenace, qui tient vraiment, qui a vraiment envie d'arriver au bout de ce qu'il a entrepris. Ça, c'est la ténacité, c'est une des qualités des chercheurs. Et puis une autre qualité, c'est celle de savoir s'abstraire du bruit ambiant pour continuer à faire de sa recherche. On voyait tout à l'heure en montant ici dans cette maison de la radio des tas d'images. On voyait même plus ce qu'il y avait sur les images, tellement il y avait d'images. On entend du bruit, tellement de bruit qu'on n'entend plus le bruit. Eh bien, il faut savoir, pour faire de la recherche, se sortir un peu, c'est ce que vous disiez au début de l'émission, se sortir du monde ambiant pour se mettre dans ce que l'on cherche. Alors à propos de la ténacité, justement, je voulais pour finir parler d'une mathématicienne qui s'appelle Sophie Germain, qui vivait au 19e siècle et qui avait une correspondance avec Gauss, le prince des mathématiques. Oui. Et pour être prise au sérieux, elle avait pris un nom d'emprunt masculin, Antoine Auguste Leblanc. Et lorsque les troupes napoléoniennes ont occupé la ville de Brunswick où vivait Gauss, elle a craint pour la vie de Gauss et elle a contacté un général français pour qu'il le protège. Et c'est comme ça que Gauss a appris que Antoine, en fait, c'était Sophie. Mmh. Et il a écrit une lettre dont je vous lis les dernières lignes. Lorsqu'une personne de ce sexe qui, par nos mœurs et nos préjugés, il parle des hommes, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes à se familiariser avec ses recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ses entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché. Il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires et un génie supérieur. Fin de citation. La messe est dite, non? Merci Catherine Bréchinac. Merci Catherine Bréchinac d'être venue à cette émission. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Valérie Lavalard, et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.